Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Quand l'un des personnages principaux d'un roman, d'un feuilleton, disparaît, il faut à tout prix et par tous les moyens le retrouver. Surtout lorsqu'il s'agit de la belle Esmeralda. Que peuvent faire, pour elle, les truands de la Cour des Miracles? Pourront-ils lui éviter un procès? Procès pour sorcellerie. La chèvre d'Esmeralda subira-t-elle un interrogatoire? Sans doute, puisque voici les épisodes 29, 30, 31, 32 et 33 du feuilleton Notre-Dame de Paris, diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne les 20, 21, 22, 23 et 24 mai 1957. La radiodiffusion française présente l'œuvre célèbre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Texte et production de Jacqueline Lenoir. Avance. Toi, Rémi Belface. Oui, patron. Qu'as-tu de nouveau ? Rien. J'ai questionné tout le monde jusqu'au pont de la Tournelle. Personne n'a vu Esmeralda. Et dans ton secteur, Audrey le Rouge ? Bah, rien non plus, patron. J'ai même poussé sur la rive droite et jusqu'aux portes Saint-Denis et Saint-Martin. Par là-bas, on n'y va jamais, c'est la clôture la plus lointaine de Paris. Mort du diable, tu y retourneras ! Qui t'a cherché dans les bois ? Ah, patron. Clovis Gratmore. Je suis là, clopin. Que sais-tu des alentours de l'Hôtel Dieu ? Pas grand-chose. On a vu danser Esmeralda sur le parvis et... Oh, vraiment ? On a vu danser Esmeralda sur le parvis ! Oh, ceci nous apprend quelque chose de nouveau. Ainsi, les voilà, mes truands ! Compagnons de la petite Flandre et de la franche bourgeoisie ! Sujets du royaume d'Argot ! Seigneur de la cour des miracles ! Fichés comme des sentinelles à toutes les portes de la ville ! Quêtant dans toutes les églises ! Buvant dans toutes les tavernes ! Mettant en coupe réglé les ponts et les moulins, tant de corgnons que vous êtes, Esmeralda disparaît et vous êtes incapable de la retrouver. Patron, la chercher. Silence ! Que vous dégoûtez de la truanderie ! Notre madone, notre pucelle, peut-être qu'en ce moment elle a besoin de nous, peut-être qu'elle nous appelle à son secours, et nous sommes là, complètement abrutis. Moi, comme les autres ? Mais si, mais si ! Et je suis Clopin Trouillefou, le roi des mendiants ! Conte du diable, s'il lui arrive quelque chose de mauvais, jamais je ne me le pardonnerai. Alors, vous mettez pas en colère, tout n'est pas perdu. Mais vous en faites pas, patron ! Notre Esmeralda est fine comme l'ambre. Vous pensez qu'au malheur, vous ? Peut-être qu'elle nous a quittés pour vivre mieux, voyez. La cour des miracles était son royaume. Où pouvait-elle mieux vivre ? Mais partout ! Elle est assez belle pour tenter un seigneur, eh oui. Le roi lui-même ! Dieu l'en garde, ce cagot ! Elle n'avait jamais voulu se choisir un homme parmi nous. Pourquoi ne l'aurait-elle pas rencontré ailleurs ? Gringoire ! Oui, patron. Gringoire. Oui. Tu as entendu Clovis Gratmore. Crois-tu cela possible ? Non. Non, non, c'est pas possible. Esmeralda voulait se garder vierge pour retrouver sa famille. Elle attachait à cette superstition une croyance totale. J'en sais quelque chose, moi qui suis son mari et qui n'ai jamais pu la toucher. Vogel ! Esmeralda, c'est Notre-Dame à nous, les truands ! Et Gringoire ne doit pas être moqué pour avoir éprouvé sa résistance. Vous n'avez pas été plus malin ? Pas même toi, Rémi Belface ! Tu es notre roi, Clopin Trouillefou. Décide, et nous t'obéirons. C'est vrai que j'aimais l'Égyptienne. Et je veux la sauver si elle est en danger. C'est beau, une femme qui dit non quand on la supplie comme je l'ai fait. Non, gentiment, sans coquetterie, sans dédain, sans méchanceté. Non, comme une sainte. C'est vrai, Rémi. Et puis, s'il était arrivé malheur à Esmeralda, Djali nous serait revenue. Elle connaissait le chemin d'instinct, ma petite Djali. Je l'aimais tant. Mort du diable, ça suffit pour les Jérémiades ! Résumons les événements. La dernière fois que tu étais avec Esmeralda, un officier est venu la chercher pour la mener à la maison des Trois Piliers. Oui, celle qui fait l'angle de la place et de la rue du Parvis. On fêtait je ne sais quel événement et l'officier avait prié Esmeralda de danser. Étant seul, je suis entré dans Notre-Dame, sur la demande de mon maître en sciences, Claude Frollo, l'archidiacre. Et après, lorsque tu es sorti, Esmeralda avait disparu. Naturellement. J'avais ramassé le tapis et les tambourins. Elle ne pouvait deviner où j'étais. J'ai pensé qu'elle rentrerait de son côté et moi du mien. Patron, Pince-Braille, le mendiant du portail de la Rose, a vu Esmeralda sortir de la maison des Trois Piliers. Elle était accompagnée de l'officier. Et depuis, elle s'est volatilisée entre la cité et le Pré-au-Clair. Ouais. Comme une fumée de la Saint-Jean. Gringoire, écoute-moi. Tu es un écolier, un fort anthème, un poète. Tu n'es pas un truand, sinon par la paresse. Oh. Hey, ton beau langage et tes manières civiles vont pour une fois servir à quelque chose. Cours à la prévôté, au petit Châtelet, à la Tournelle. Partout où les bons bourgeois de Paris rêvent de nous voir compir. Tâche de savoir si les archers du guet n'ont pas arrêté Esmeralda. Mais pourquoi? Parce qu'elle est belle, parce qu'elle chante, parce qu'elle se moque de tout. C'est bien assez de crimes à se faire pardonner. Moi, je vais aller mendier du côté des Halles, avec toutes les commères qui jacassent près des étals. Que le diable m'étripe si je n'apprends pas quelque chose. Elles sont aussi roses que vos joues. Qui veut mes choux? Qui veut mes choux? Pour un liard, vous emportez le panier. Faites voir vos choux. Ben, ils sont tous desséchés. Moi, votre figure, la vieille. Pour un liard, le panier, vous voulez peut-être la crème avec. Ayez pitié d'un pauvre aveugle. La charité, s'il vous plaît. Ayez pitié d'un pauvre aveugle. Ah, voilà le clopin Trouillefou. Il manquait plus que lui pour dégoûter la clientèle. Ah, charité, s'il vous plaît. Ayez pitié d'un pauvre aveugle. Ma mère, oh, ma mère, regardez le pauvre homme. Et permettez que je lui apporte mon obole. Ne l'approche pas, il est trop sale. Je t'ai déjà dit, Isabeau, de ne pas te laisser attendrir par ces mendiants. Oh, madame ma mère, celui-ci a l'air si pauvre. Eh bien, Dieu le reconnaîtra plus vite. Tu sais bien que les derniers en ce monde seront les premiers au paradis. La garce, c'est en enfer que je te retrouverai pour te retirer les pieds. Ayez pitié d'un pauvre aveugle. Bonne chance, ayez pitié de moi. Alors, personne n'en veut qu'au dernier chou, ma pauvre petite bête. Je vais aller les porter à la mère Falourdel, la vilotière du pont Saint-Michel. À Alliard, le panier me les prend toujours. Oh, je sais pas si vous la trouverez séant. Pour un oui, pour un non, elle est convoquée à la justice. Ah, bah, elle a donc des ennuis. Vous savez donc pas qu'il y a eu crime chez elle? Un crime, sainte vierge, comptez-le-moi, ma belle. Oh, c'est une histoire affreuse, avec des maléfices, un bouc, une sorcière. Non, mais imaginez que l'autre soir, elle loue une chambre. Faisez-moi 12 de vos pommes les plus rousses, s'il vous plaît. Tout de suite, ma mignonne. Pas besoin de les choisir, elles sont pareilles à celles qui poussent dans le verger du bon Dieu. Ayez pitié d'un pauvre aveugle. Allons, faites-moi la charité. Et en voilà une 13e pour compléter la douzaine, mamie. Merci, à bientôt. À bientôt. Alors, que s'est-il passé chez la Falourdel? J'en suis toute pantoise. Des maléfices, un bouc, une sorcière. Oui, c'est la petite égyptienne qui danse sur le parvis de Notre-Dame, vous savez bien. La Esmeralda? Oui, da. Elle est montée chez la Falourdel avec un officier du guet et elle l'a poignardée. Sainte vierge, pauvre que nous sommes, mais pourquoi? Chez la Falourdel, on se mignote plutôt que de s'entretuer. Oh, surtout ce qui se passe dans cette étrangère. La pauvre vilotière dit même qu'elle a vu comme un vampire s'enfuir par la fenêtre. Oh, oh, ma bonne, je m'enfermerai ce soir à double tour, sitôt le premier passage du veilleur. En attendant, je vais lui porter mes choux pour en apprendre davantage. Ouais, allez, adieu, Guillemette. Hé, hey, clopin Trouillefou, attrape. Oh, une belle pomme pour toi. Allez, tiens. Oh, mais regarde-le s'enfuir. Juste au moment où j'allais lui donner une pomme, il décampe. Il a retrouvé ses yeux. Oh, quel sage. Sûr qu'il a vu une victime à plumer quelque part. Mais non, et jamais, jamais, Esmeralda n'aurait tué un homme. Elle est accusée injustement. Il faut essayer de la sortir de prison. Ouais, ouais, nous n'avons plus qu'à organiser son évasion. Triple buse! Tu crois que c'est possible? Depuis 8 jours, nous cherchons le moyen de lui porter secours sans y parvenir. L'évêque, et l'official sont intervenus dans l'affaire. Et tu veux qu'un truand aille protester à la tournelle criminelle ? N'importe lequel d'entre nous serait pendu haut et court avant d'avoir fait deux pas à l'intérieur du palais de justice. Les clopins ont raison. Il faut attendre le procès. Quelles preuves peuvent-ils avoir de cet assassinat ? Oh, pour les preuves, ils les trouveront. Et ce qui m'enrage, corne du diable, c'est que la petite ne saura jamais se défendre. Elle ne comprendra rien, tout cet attirail de justice et de prêtre. Les prêtres, que viennent-ils faire là-dedans ? Pourquoi l'official s'en mêle-t-il, hein ? Voilà, la chose que je redoute le plus pour Esmeralda, c'est qu'il la traite non comme une criminelle, mais comme une sorcière. Oui, Gringoire, Clopin Trouillefou, et avec eux toute la cour des miracles pouvaient partager cette mortelle inquiétude. Le sort d'Esmeralda n'avait plus de mesure humaine. Elle était enfermée dans un des cachots de la tournelle, perdue dans les ténèbres, ensevelie, enfouie, murée, comme l'étaient à l'époque les malheureux condamnés que l'on oubliait si facilement dans les sinistres entonnoirs qui servaient de prison. Vint pourtant le jour du procès. La salle était vaste et sombre, le jour tombait, les longues fenêtres en ogive ne laissaient plus pénétrer qu'un pâle rayon de lumière. Il y avait déjà plusieurs chandelles allumées çà et là sur les tables, éclairant des têtes de greffiers fouinant dans leur paperasse. On distinguait vaguement un grand Christ au-dessus des juges, et partout des piques et des hallebardes au bout desquels la lueur des chandelles mettait des pointes de feu. Monsieur le Président, messieurs les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi, monsieur le greffier de la cour du Parlement, monsieur le procureur du roi en cour d'église, avec messieurs de l'officialité. Qui est l'avocat, messire ? Le savez-vous ? Maître Philippe Lelier. Ah, et qui est l'accusateur ? Maître Jacques Charmolue. Pour un procureur de l'official, je lui trouve l'air très doux. Oh, je me méfie d'une douceur qui a les narines pincées et les lèvres minces. Oh, il est certain que nous allons voir tous ces beaux messieurs manger de la chair humaine. Bah, c'est un spectacle qui en vaut un autre. Attention, voilà qu'on le commence. Garde ! Introduisez le premier témoin. Oh là là, quelle face de cauchemar. On dirait un paquet de guenilles en marche. Mais seigneur, la chose est aussi vraie que c'est moi la Falourdelle, établie depuis 40 ans au pont Saint-Michel. La porte vis-à-vis la maison de Tassin Caillard, le teinturier. Je suis une pauvre vieille, mais je paye exactement en rente l'ode et sensible. À ça, j'ai rien à me reprocher. Personne ne vous fait de reproche. Dites ce que vous savez. Un soir, je file à Mourouet, on cogne à ma porte. Je demande qui ? On jure. J'ouvre, deux hommes entrent. Un tout noir avec un bel officier. On voyait que les yeux du noir, comme deux braises. Tout le reste était chapeau et manteau. Voilà qu'il me demande la chambre Sainte-Marthe. C'est une chambre d'en haut, mes seigneurs, la plus propre. Il me donne un écu. Je serre l'écu dans un tiroir et je me dis, ce sera pour acheter des tripes demain à l'écorcherie de la Gloriette. Bon, nous montons. Arrivé à la chambre d'en haut, pendant que je tournais le dos, l'homme noir disparaît. Or, tout de même, j'étais tout ébaubi. Cette chambre du premier, n'était-elle pas déjà occupée ? Si, monsieur le Président, par une belle jeune fille qui attendait l'officier. Elle avait avec elle un grand bouc, avec des cornes et des sabots dorés. La fille, je dis pas, mais le bouc, j'aime pas ces bêtes-là, moi, ça sent le sabbat. Cependant, j'avais rien dit. Et puis, je tenais l'écu. C'est juste, n'est-ce pas, monsieur le juge ? Puisque c'est mon gagne-pain de louer les chambres. Donc, je les laisse seules, c'est-à-dire avec le bouc. Je descends et je me remets à filer. Cette jeune fille, l'avez-vous déjà reçue ? Non, monsieur, jamais, ça. Et puis j'aurais reconnu, parce qu'elle est si belle. Et puis aussi drôlement habillée, un peu comme une sauvage. Mais l'officier, lui, je le connaissais. Alors, il venait souvent en partie fine. Continuez votre exposé. Donc je me remets à filer. Et tout à coup, j'entends un cri en haut. Puis je vois quelque chose de lourd sur le carreau. Et puis aussi qu'on ouvrait la fenêtre. Alors, dame, je me précipite avec Torchonnet. Et juste au moment où j'entre dans la chambre, je vois passer comme une masse noire devant la fenêtre. Faut vous dire, monsieur le juge, que ma maison donne par derrière sur la rivière. Oui, il faisait clair de lune. Alors j'ai couru à la fenêtre et j'ai vu un fantôme habillant en prêtre. Oh, je l'ai très bien vu, oui. Il nageait du côté de la cité. Alors toute tremblante, j'ai dit à Torchonnet d'aller chercher le guet. Que s'était-il passé dans la chambre? Ma pauvre chambre, tout en sang. Il y avait le capitaine étendu la face contre terre, avec un poignard dans le cou, la fille à côté faisant la morte, et le bouc tout effarouché. Oh, si vous saviez, mais j'en ai eu pour 15 jours à gratter le plancher, tellement le pauvre jeune homme avait perdu de sang. N'avez-vous rien à ajouter? Attendez, attendez. Le pire, c'est que le lendemain, quand j'ai voulu prendre l'écu pour acheter les tripes, et ben dans mon tiroir, j'ai trouvé une feuille sèche à la place. Ce fantôme, ce bouc, tout ça sans la magie. Et cet écu qui se transforme en feuille sèche, quelle horreur! Taisez-vous donc! Cette vieille est une simple d'esprit qui croit aux histoires de moines bourrus et tout. Femme Falourdel, vous pouvez vous retirer. Ah, permettez, monsieur le président. Je voudrais dire que dans le rapport, on a traité ma maison de masure tortue et puante. Eh ben, c'est une menterie! Les maisons du pont n'ont pas grande mine parce qu'il y a foison de peuple. Néanmoins, les bouchers, ils meurent, qui sont gens riches et mariés à de belles femmes fort propres. La cause est entendue. Je prie, messieurs les juges, de ne pas perdre de vue que le poignard avec lequel l'officier a été assassiné appartenait à l'accusé. Femme Falourdel, avez-vous apporté cette feuille en laquelle s'est transformé l'écu que le diable vous avait donné? Oui, monseigneur, la voici. Huissier, présentez cette feuille à maître Jacques Charmolue, procureur du roi en cour d'église. Merci. C'est une feuille de bouleau, monsieur le président. Une nouvelle preuve de la magie. Les démons affectionnent cet arbre. Monsieur le président, puis-je poser une question au témoin? Je vous en prie, monsieur le conseiller. Témoin, deux hommes sont montés en même temps chez vous. L'homme noir, que vous avez vu d'abord disparaître, puis nager dans la Seine avec des habits de prêtre, et l'officier. Lequel des deux vous a remis l'écu? C'est l'officier. Ah, mais voilà qui change tout. Mais vous voyez bien que cet écu transformé en feuille par le diable ne rime à rien. Il appartenait au capitaine. Je rappelle à messieurs les juges que dans sa déposition écrite à son chevet, l'officier a précisé que l'homme noir qu'il avait accosté dans la rue l'avait vivement pressé d'aller rejoindre l'accusé et que le capitaine lui ayant avoué être sans argent, l'homme noir lui avait alors donné l'écu qui a servi à payer la Falourdel. Par conséquent, il s'agit bien là d'une monnaie de l'enfer. Messieurs les juges possèdent le dossier des pièces. Ils peuvent consulter les déclarations du capitaine Phébus de Châteaupers. Phébus ! Phébus ! Oh, mes seigneurs de grâce, tuez-moi, battez-moi, mais dites-moi s'il vit encore. Taisez-vous, femme ! Ce n'est pas là votre affaire. Vous troublez par vos cris l'ordonnance du procès. Par pitié, dites-moi s'il est encore vivant. Je souffre trop de ne pas le savoir. Phébus ! Parlez-moi de Phébus ! Eh bien, il se meurt ! Êtes-vous satisfaite maintenant ? Garde ! Introduisez la seconde accusée. J'allais. Pauvre petite bête. Quelle jolie chèvre ! Ah, le démon emprunte des formes bien séduisantes. Ah oui. Moi, je me demande comment elle va s'y prendre pour répondre aux questions des juges. Regardez, elle n'a fait qu'un bond vers sa maîtresse. Oui, et elle se roule à ses pieds. Oh. S'il plaît à messieurs les juges, nous procéderons à l'interrogatoire de la chèvre. Rien n'était plus courant alors qu'un procès de sorcellerie intenté à un animal. On trouve dans les comptes de la prévôté pour 1466 un curieux détail des frais d'une action poursuivie contre une truie que l'on emprisonna 10 jours avant de la pendre. Parfois même, on allait plus loin que les bêtes. Les capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire infligeaient de graves peines aux fantômes enflammés qui se permettaient de paraître dans l'air. Si le démon qui possède cette chèvre et qui a résisté à tous les exorcismes persiste dans ses manœuvres, nous le prévenons que nous serons forcés de requérir contre lui le gibet ou le bûcher. Oh, il répond. Huissier, passez-moi le tambourin de l'accusé. J'allais, répondez, quelle heure est-il ? Oh, 7 heures. Regardez, il est vraiment 7 heures. Mais vous voyez bien que c'est une simple coïncidence. Oh, enfin, cette pauvre bête ne sait pas ce qu'elle fait. Mais comment ça, ne vient-elle pas de l'affirmer, au contraire? Mais ça ne prouve rien, vous dis-je, rien, absolument rien. Silence au manant du fond de la salle où je fais évacuer. Je pourrais continuer de poser à cette chèvre diabolique toutes les questions auxquelles elle est habituée de répondre, mais je préfère aller droit au but et démontrer qu'il y a eu dans le crime dont le capitaine Phoebus de Châteaupers fut victime une nette préméditation. Messieurs les juges, voyez ce sachet de cuir suspendu au cou de la bête. Il renferme les lettres de l'alphabet découpées dans du buis sauvage. Eh bien, alors que l'instruction est encore l'apanage des clercs, vous allez voir que cette bête sait à la fois lire et écrire. Nous allons étaler devant elle ses lettres et regarder en les triant à l'aide de sa patte quel mot, ou plutôt quel nom, la chèvre va former sur le sol. P. P. H. P. O. Fo. E. Fouet. B. Fouet. U. Fébus. S. Phoebus. Messieurs les juges, Phoebus. Ainsi le malheureux capitaine était-il destiné par Belzébuth au poignard de la mort? Et je crois qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit à cette incontestable démonstration de sorcellerie. Il a raison. Oh, pour Dieu, que la Sainte Vierge vous prenne en pitié. Garde! Faites lever l'accusé. Fille! Vous êtes de race bohème, adonnée au maléfice. Vous avez, de complicité avec la chèvre ensorcelée, dans la nuit du 29 mars dernier, de concert avec les puissances occultes, à l'aide de charmes et de pratiques, meurtri et poignardé un capitaine des archers de l'ordonnance du roi, Phoebus de Châteaupers. Reconnaissez-vous les faits? Comment pouvez-vous dire ces paroles horribles? Mon Phoebus, pourquoi, mais pourquoi l'aurais-je tué? Persistez-vous à nier alors que votre propre poignard a été retiré de sa nuque? Oh oui, je nie. Je suis innocente, entendez-vous, innocente. Ce que vous dites est ignoble. Alors comment expliquez-vous les faits qui vous sont reprochés? Je l'ai déjà dit, je ne sais pas. C'est un prêtre que je ne connais pas, un prêtre infernal qui me poursuit. Je l'ai vu lever le poignard, je l'ai vu. Si vous l'avez vu, vous pouvez au moins nous le décrire. Oh non, non, parce que je me suis évanouie tout de suite, et qu'il avait une grande cape noire et un chapeau rabattu sur le visage. Nous sommes en présence du moine bourru, votre complice. Celui qui, dont la rue, accosta le capitaine de Châteaupers et devait disparaître devant les yeux épouvantés de la falourdelle en s'envolant par la fenêtre. Il ne s'est pas envolé par la fenêtre. Il a plongé dans la salle et s'est enfui en nageant. C'est donc un homme, et non un spectre. Oh. Je répète pour la dernière fois, aux manants ennemis dans le prétoire qu'ils vont se faire chasser s'ils continuent à manifester. Accusé. Il vous appartient d'éclairer la justice sur la présence de votre complice, fût-il un homme ou le diable. Mais Seigneur, je ne suis qu'une pauvre fille. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je n'ai pas eu de complice. Je n'ai pas tué mon amour. Je suis une malheureuse que vous tourmentez sans raison. Ayez pitié de moi, ou tuez-moi si vous le voulez. La vie m'est indifférente si mon beau capitaine n'est plus. Je n'ai rien à dire d'autre, rien. Je l'aimais plus que moi-même. Et maintenant, je ne pourrai plus jamais ni chanter ni danser. Alors laissez-moi, ne me demandez pas. demandez plus d'explications, faites de moi ce que vous voulez. Attendu l'obstination pénible de l'accusé à nier l'action de sorcellerie qui lui est reprochée, je demande en ma qualité de procureur du roi en cour d'église et au nom de l'official l'application de la question. Garde ! Conduisez l'accusé à la chambre de torture. L'audience est suspendue. Encadré de son lugubre cortège, Esmeralda parcourait les couloirs sombres de la tournelle. Elle se laissait mener, inconsciente et sans force. On eût dit que plus rien en elle ne pouvait réagir. La chambre des tortures occupait le rez-de-chaussée de l'une de ces grosses tours qui percent encore au siècle que nous vivons, la couche d'édifices modernes dont le nouveau Paris a recouvert l'ancien. Pas de fenêtre à ce caveau, pas d'autre ouverture que l'entrée basse d'une énorme porte de fer. La clarté cependant n'y manquait point. Un four était pratiqué dans l'épaisseur du mur où flamboyait un feu intense. Faut-il l'enchaîner ? Laissez l'avenir librement. Greffier, installez-vous. La herse de fer qui servait à fermer le four étalait comme une rangée de dents noires et aiguës. À la lumière qui s'en échappait, Esmeralda vit tout autour de la chambre des instruments effroyables dont elle ne comprenait pas l'usage. Au milieu de la pièce, un lit de cuir sur lequel pendait une courroie à boucles, des tenailles, des pinces rougeoyaient pêle-mêle sur la braise, et cette sanglante lueur faisait une auréole au tourmenteur juré et à ses deux aides qui attendaient debout, les bras croisés sur leur tablier de cuir. Les sergents du bailli de palais se rangèrent d'un côté, les prêtres de l'officialité de l'autre. Mon enfant, persistez-vous à nier votre participation au crime dont vous êtes accusée? Oui, oui, je suis innocente. En ce cas, il sera bien douloureux pour nous de vous questionner avec plus d'insistance que nous ne le voudrions. Monsieur le bourreau, faites place à cette damoiselle et fermez la porte. Si je ferme la porte, mon feu va s'éteindre. Laissez-la donc ouverte. Où est le médecin ? Ici, je suis prêt. Parfait. Bourreau, asseyez-la sur le lit de cuir. Ne me touchez pas ! Non ! Non, que voulez-vous de moi ? La simple vérité, Esmeralda, celle que vous devez à Dieu dont nous sommes les représentants. Pour la troisième et dernière fois avant de commencer à vous tourmenter, niez-vous encore ? Mais oui, je n'ai rien à me reprocher. Ma pauvre enfant, vous m'obligez à remplir le devoir de mon office. Que les moines entrent en prière pour le salut de votre âme. Échappez à Dieu. Monsieur le procureur du roi, par quoi commençons-nous ? Eh bien, par le brodequin. Attache-lui la taille à la courroie, Thébault. Mets-lui sa jambe droite à nu. Et toi, Chris, apporte le brodequin. Ah, dommage, la fille est belle. Ah, une jambe pareille réduite en bouillie. Ah, j'ai jamais vu d'aussi petits pieds. Alors, boucle-moi le brodequin. Mettez-moi cela. Moi, je ne veux pas, j'ai peur. Pitié, Messeigneur, pitié. Voulez-vous avouer? Je suis innocent. Comment expliquez-vous les faits? Oh, hélas, Messeigneur, je ne puis, mais il faut me croire, je vous jure. Votre serment n'a point de valeur, vous n'êtes pas chrétienne. Niez-vous. Tout, je n'ai rien fait. Eh bien, allez-y. Dois-je continuer? Oui. Bourreau, arrêtez. Alors, misérable fille, allez-vous avouer? Retour de brodequin et c'est déjà fini. Bah, la pauvre petite, elle doit pas avoir l'habitude de souffrir. L'humanité m'oblige à vous prévenir qu'en avouant, c'est la mort qui vous attend. La mort. Oh oui, de grâce, tuez-moi, Je veux mourir, mais ne me torturez plus. Greffier, écrivez. Esmeralda, vous avouez votre participation aux agapes, sabbats et maléfices de l'enfer avec les larves, les masques et les striges. Répondez. Vous avouez avoir vu le bélier que Belzébuth fait paraître dans les nuées pour rassembler le sabbat et qui n'est vu que des sorciers. Si vous voulez. Dites seulement oui. Vous confessez avoir adoré les têtes de Baphomet, ces abominables idoles des Templiers. Avoir eu commerce habituel avec le diable, sous la forme d'une chèvre familière, jointe au procès. Enfin, vous avouez, confessez avoir à l'aide du démon et du fantôme, vulgairement appelé par le peuple moine bourru, dans la nuit du 29 mars dernier, meurtri et assassiné un capitaine nommé Phébus de Châteaupers. Greffier, terminez le rapport selon les termes de justice. Bourreau, vous pouvez détacher la coupable. Oh non, ben, y a pas grand mal, vous avez crié à temps. Ah, vous pourrez encore danser, la belle. Voilà enfin la justice éclairée. Cela soulage, messieurs. Cette jeune fille peut reconnaître que nous avons agi envers elle avec toute la douceur possible. Monsieur le tourmenteur juré, merci de votre assistance. Garde, ramenez l'accusé à l'audience. Le public doit s'impatienter. La voilà, regardez. Oh, la pauvre fille. Mais dans quel état doit-elle se trouver maintenant? Pauvre fille, vous avez bien de la pitié à revendre pour une sorcière. Oh, mais silence. Ma foi, monsieur le président, cela n'aura pas été trop long. Nous avons maintenant l'espoir de souper décemment. Mon cher juge, l'égyptienne s'est montrée bonne fille. En passant aux aveux, elle vous permet de ne pas manquer votre rôti. Oh, un chapon, comme mon épouse sait les faire. Doré à point, avec force croutons et lardons. Pour en revenir à notre petite accusée, que n'a-t-elle commencé par reconnaître les faits avant de passer à la question? N'importe comment, sorcière ou simple criminelle, elle n'échappait pas au bourreau. Il y a souvent dans ces petites têtes de femmes à l'apparence fragile une obstination dont on ne vient pas facilement à bout. La croyez-vous coupable de maléfice, monsieur le président? Nous ne pouvons en douter si elle est passée aux aveux. Et maître Charmelu s'y connaît en diablerie. Voyez-le qui s'installe à son banc, là, avec la modestie du triomphe acquis. L'audience est reprise. Monsieur le Président, l'accusé a tout avoué. Avocat de la Défense, avez-vous quelque chose à dire? Oui, Monsieur le Président. Je vous en prie, soyez bref. Je le serai forcément, Monsieur le Président, puisque ma cliente a confessé le crime. Cependant, je voudrais vous lire ce passage de la loi salique. Si une strige a mangé un homme et qu'elle l'ait avoué, elle paiera une amende de 8000 deniers qui font 200 sous d'or. Plaise à la chambre de condamner ma cliente à régler cette amende pour lui laisser la vie sauve. Poignarder un homme n'est pas plus grave que de le manger, messieurs les juges. Et si un texte de la loi le prévoit, pourquoi ne pas en faire bénéficier cette malheureuse? Monsieur l'avocat, ce texte doit être abrogé, car il est stupide. Peut-être, monsieur le procureur du roi, mais il existe. Il n'y a qu'à le mettre aux voix, monsieur le président. Pour ma part, je vote contre. Moi également. Êtes-vous d'accord, messieurs de la justice? À l'unanimité, monsieur le président, nous abrogeons ce texte de la loi salique. Parfait. Garde, faites lever l'accusée et soutenez-la pour qu'elle entende le jugement debout. Fille de Bohême, le jour qu'il plaira au roi notre sire, à l'heure de midi, vous serez menée dans un tombereau en chemise, pieds nus, la corde au cou, devant le grand portail de Notre-Dame, et y ferez amende honorable avec une torche de cire du poids de 10 livres à la main. Puis de là, menez en place de grève où vous serez pendu et étranglé au gibet de la ville. Votre chèvre diabolique le sera pareillement. Que Dieu ait votre âme. Oh, mes seigneurs, je suis innocente. Je suis innocente. Jamais je n'ai voulu tuer mon beau capitaine. Garde ! Emmenez les deux coupables. Serre-moi une portion de ces beignets qui rissolent dans ta lèche-frite. Voilà, voilà, ils sont bientôt prêts. Écoute, oui. Tu les accompagneras d'un flacon d'hypocrache, hein. Bon. Il fait ici une chaleur à crever. Ouvre donc la porte. Non, ne l'ouvre pas. Gringoire doit donner le mot de passe en revenant du procès. Ah bon, bah bon, Clopin, tu excuseras, je savais pas. Retourne à ton ivrognerie, imbécile, et laisse-moi tranquille. Oh bon. Belface, qu'est-ce que tu viens de donner? Valet de pique. Valet de pique. Je vais te marquer au trèfle. Ça sera pour tes fesses. Ah, bien, bien, patron, bien. Que peut-il faire à traîner de la sorte? Il est bien tard pour finir un procès. À boire, par pitié, quoi. Voilà. J'ai chaud, moi. On est ici tensé comme les saints de Caillouville. Mais tu te tais, André Rouge. J'en ai assez de tes beuglements. Oh, Clopin, écoute, te fâche pas. Tu sais bien qu'on est aussi inquiet que toi, voyons. Patron! Voilà Gringoire, il vient de traverser la première salle. Ouvre-lui tout de suite, sans mot de passe. Et quant à vous, vos gueules maintenant. Oui. Allez, alors. Condamné à mort, pour sorcellerie. On lui a piqué la question, elle a tout avoué. Conte du diable. Tu tâcheras de me donner les noms des juges. Je les buterai tous, les uns après les autres. Bien sûr, Clopin, bien sûr, mais c'est pas ça qui la sauvera. Ils ont aussi condamné de Jali à être pendu au même gibet. Tu ne sais pas le plus beau, Gringoire. Que peut-il y avoir de pire que le sort d'Esmeralda? Phébus de Châteaupère est vivant. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Rémi Belface, à force de fouiner, a trouvé l'adresse du pharmacopole chez qui les soldats du guet l'avaient transporté. Il est resté 15 jours entre la vie et la mort. Belface, dis-lui toi-même. Ah oui, on le donnait pour mourant au moment des interrogatoires. Et c'est vrai qu'il l'était. Ils lui ont même tenu la main pour signer ses déclarations. Mais c'est un gars jeune et solide, et malgré l'avis du médecin, il s'en est tiré. Mais si tu dis vrai, Rémi, il faut aller le voir tout de suite, lui expliquer. Peut-être l'a-t-on tenu dans l'ignorance du procès d'Esmeralda? Tu te fais des illusions, Gringoire. Châteaupère est un soldat du roi, il n'ira pas se compromettre pour une bohémienne. Et puis, peut-être qu'il la croit coupable. Il a été poignardé dans ses bras, mais sans voir d'où lui venait le coup. Oui, d'ailleurs, on ne sait plus où il est. Un matin, il est parti de chez le pharmacopole en lui laissant sa paire d'éperons d'or pour le payer de ses soins. Depuis, il n'a pas repris ses rentes dans la cité. Et ce ne sont pas les archers du guet qui mettront les truands en courant. Et nous, on ne peut pas les rôder par là, autrement qu'avec un poignard dans la main. Les jours passèrent. Avril fit éclater ses bourgeons roses partout dans la cité. Au-dessus des tours de Notre-Dame, le ciel de Paris avait cette teinte légère, gris-bleutée, qui fait de son printemps une tendre mélodie. Mais du temps et des heures, de la lumière et des fleurs, Esmeralda, au fond de l'atroce cachot qui la cadenassait hors du monde vivant, ne savait plus rien. Gardien, prends tes clés pour le troisième sous-sol. Il y a une visite pour la sorcière égyptienne. Vous désirez voir la prisonnière, mon père ? Oui, tout de suite. Excusez-moi si je vous demande cela, mon père, mais vous n'êtes pas l'aumônier de la Tournelle. Avez-vous une autorisation pour visiter les condamnés à mort ? C'est inutile pour moi. Je suis Claude Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame. Oh, pardon. En ce cas, suivez-moi. Mais tenez bien haut votre chandelle pendant le trajet. Il fait tellement noir dans les couloirs. Vous venez d'entendre Notre-Dame de Paris, adaptation radiophonique de Jacqueline Lenoir d'après Victor Hugo. Réalisation et musique originale de Jean-Wilfried Garrett. Avec, dans les rôles principaux, Michel Bouquet, Claude Frollo, Anne Capril, Esmeralda, Jean-Marie Amato, Quasimodo, Berthe Bovy, La Sachette, Jean Danet, Phébus et, dans le rôle de Gringoire, Jean-Marc Tenberg. Aujourd'hui, vous avez également entendu dans les rôles de Clopin Trouillefou, Maurice Ténac, avec ses truands, Jacques Marin, Michel Nastorgue et Guy Pierrot. Puis, au tribunal, Maître Charmolue, Denis Dinès, sociétaire de la Comédie Française, le président Maurice Nazil, l'avocat Jean Péméja, les juges Teddy Billis et Michel Nastorgue, avec les voix de Henri Bradley, Muse d'Albret, Rosie Wart, Simone Jean. Bruitage, Joé Noël. C'était Notre-Dame de Paris. Ces épisodes, les 29e, 30e, 31e, 32e et 33e du feuilleton Notre-Dame de Paris, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 20, 21, 22, 23 et 24 mai 1957. Vous pourrez les réécouter en ligne ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Je n'irai pas à Notre-Dame chanter mes petites chansons, chanter les poètes et leur âme si près de Dieu dans sa maison. Évoquer mes jeunes années, fond romeux et son ermitage, et vous montagnes Pyrénées, qui faisiez partie du voyage, je n'irai pas chanter la mer. Est-ce vraiment un scandale de la faire danser en l'air aux voûtes d'une cathédrale? La chose est-elle défendue d'évoquer Paris gris et bleu, et ma vieille maman perdue dans son pavillon de banlieue? Défendu amour de naguère, qu'en reste-t-il donc à présent? Souvenir des années de guerre, d'un cœur qui fut adolescent. Défendu alors la cadence d'un paisible et tendre refrain, mélodie de la douce France, de ses villages riverains, de ses campagnes émerveillées au son des cloches du printemps, et de Pâques émerveillées depuis longtemps, longtemps, longtemps. De la foule des grandes villes qui ce jour-là vit dans l'espoir de lendemain joyeux, tranquille, au coin d'une rue on peut voir. Alors pourquoi donc les combattre sans le moindre petit crédit? L'église n'est pas un théâtre, oui, mais on chante au paradis. Je n'irai pas à Notre-Dame, je n'ai pas l'autorisation. Ai-je bien mérité le blâme d'offrir à Dieu quelques chansons.